Ce n'est pas par hasard si la Corse est surnommée île de beauté. Coincé entre France et Italie, ce département français est une des perles de la mer Méditerranée. Prenons le bateau à Marseille ou à Nice et laissons-nous bercer par les flots en écoutant Jean-Sébastien Petit-Demange nous parler avec passion de cette terre si particulière dont l'enfant le plus célèbre restera à jamais Napoléon. Le soleil a tant fait l'amour à la mer qu'ils ont fini par enfanter la Corse. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit cette belle phrase, tellement vraie quand on connaît un peu la Corse. Alors partons pour ce petit rocher balancé en pleine mer sur lequel les dieux auraient pu s'installer en villégiature. Si la Corse était un lieu mythologique, ce serait une sorte d'intermonde vide et paisible, habité par quelques dieux en vacances. Mais cette île n'est pas un mythe. Il suffit de voir ce fracas hallucinant de montagnes et de côtes déchiquetées, de golfes clairs et de plages de rêve, de forêts profondes et de vallées perdues. Et vous allez découvrir que la Corse ne se donne pas, elle se mérite. Il vous faudra du temps et une vraie curiosité pour la percer à jour. Et tout commencera par des odeurs sur le bateau bien avant votre arrivée. Benoît Lucchini, il est Corse et rédacteur en chef adjoint des Guides du Routard. Si la personne a la chance d'y aller au printemps, c'est vrai qu'il y a le bouquet garni du maquis qui explose aux narines. Et ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a la myrte, il y a la sphodèle, il y a l'arbouse. Et ça, c'est vraiment le bouquet qui saute aux narines. Quand on arrive par Ajaccio, par le port d'Ajaccio, et qu'on fait le trajet de nuit depuis Nice ou Marseille, quand on arrive à 6h du matin, juste à l'aube, ça explose totalement d'odeur. Alors on ferme les yeux d'abord quand on arrive sur le pont, on respire, et après, simplement, on ouvre les yeux et on découvre un paysage. Évidemment, cette montagne posée sur la mer, il y a un bleu qui est très fort, il y a un vert qui est très fort, parce que cette montagne, il n'y a pas beaucoup d'eau dans en Corse, s'il ne pleut pas beaucoup, il y en a énormément dans le sous-sol, donc on a un paysage très, très, très vert. Alors vous allez découvrir une nature grisante, enivrante, un mélange de rocailles et de volupté, d'austérité et d'exotisme, et à chaque pas, ce sera un véritable miracle. Le mot n'est pas trop fort. Dure et tragique, secrète et sauvage, la Corse n'est pas seulement un département de plus sur la carte de France. C'est un rarissime morceau de France et vous le sentirez en passant à Bastia, par exemple, un site superbe. L'histoire a amarré la ville au flanc d'une montagne haute de 900 mètres. C'est un vrai choc frontal avec la Grande Bleue. Une ville à la fois pétulante et grave. Grave comme ses maisons altières, gaie comme les églises baroques qu'on trouve là-bas. Si vous êtes branché par la nature, direction le Cap Corse. Le long doigt, tel un index pointé dans le bleu de la mer, un des plus beaux morceaux de l'île, une chaîne de montagnes couverte de maquis. Les poètes et les rêveurs peuvent encore déambuler à leur aise sans rencontrer personne là-bas. Une route de corniche en fait le tour, de Bastia à Saint-Florent, sorte de serpent héroïque, sinuant entre ciel et mer, au-dessus d'un littoral admirable ponctué par une ribambelle de petits ports de poupées. Et puis, chacun a ses endroits préférés en Corse. Les falaises de Bonifacio, c'est une ville à l'extrême sud, des falaises blanches, plusieurs centaines de mètres, absolument superbes. Et puis, on retrouve aussi l'âme corse dans cette ville, parce qu'une partie de cette ville haute de la Corse, les falaises ont été rongées à la base par la mer, et bien une partie de la haute ville est dans le vide. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 200 ans, cette falaise va tomber. Les gens et les maisons aussi. Mais c'est pas grave, les vieux Corses, ils habitent là, parce qu'ils ont toujours habité là. Deuxième endroit, certainement la Balagne, parce qu'il y a une richesse, et puis il y a le kaléidoscope des couleurs et des senteurs qui se trouvent là-bas en Balagne, avec des villages comme Belgodère, comme Pigna, comme Antonino, tous ces villages qui sont au-dessus de la ville de Calvi qui est aussi superbe, avec sa citadelle, une très très belle baie. Alors ça c'est pour le côté touristique, et puis il faut savoir monter légèrement en altitude, à 10 minutes, un quart d'heure de voiture, vous avez des villages absolument étonnants, superbes, et puis cette renaissance, parce que la Balagne, c'est la renaissance de la musique corse. Comme Imouvrini, Vienne, de Balagne, du Nielouch, de la Castaniche, de cette haute Corse, et se sont battus pour que leurs idées passent sans les armes, par la musique. Alors moi j'aime aussi la Castagnitz, une sorte de vaste jungle de châtaigniers, un monde à part entre Corte et Bastia, qui possède une ribambelle d'églises baroques et de campaniles comme à Piedicroce. Et puis il y a les falaises de Piana. Maupassant parlait d'une vraie forêt de granit pourpré, de moines en robe, de diables cornus, d'oiseaux démesurés. C'est simplement magique. C'est ces roches rouges, ces falaises qui tombent dans, à haute de 300 mètres et qui tombent en à pic dans un bleu très, très, très, très profond. C'est assez étonnant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la balade à pied des Calanques, parce que tout le monde l'a fait en voiture, mais on peut la faire évidemment à pied. Et puis, la réserve naturelle de Girolata, qui est légèrement plus au nord, qui est absolument inconnue, qu'on ne peut faire qu'en bateau, celle-ci. 3 heures de découverte d'une réserve naturelle absolument étonnante. Elle est très, très jolie. On a mis au point une balade le soir au coucher du soleil. Alors là, les couleurs éclate complètement. Alors quand on a vu le rouge de Piana et le gris-bleu de la baie de Girolata dans la même journée, on en a plein les mirettes. Et puis on pourrait vanter, chanter la cuisine corse qui mérite à elle seule de faire le voyage pour aller déguster la coppa, le figatelle ou la tome de brebis ou le bruccio, le cabri rôti ou le flan de châtaigne, le saucisson d'âne ou l'asimine ou la bouillabaisse corse. Allez, bon appétit.